Salut à tous, bienvenue sur Improdcast, le podcast de l'impro. Si vous vivez à Genève et que vous aimez l'improvisation théâtrale, je pense qu'on risque de bien s'entendre. Je me présente, je m'appelle Damaris et je suis une grande fan. J'ai décidé de me lancer dans l'improvisation à ma manière avec une petite radio sur internet, avec bientôt plein d'infos, de dates à retenir, de commentaires sur les spectacles, d'invités et peut-être même, si vous êtes sages et bien sûr s'ils sont d'accord, des interviews des joueurs après les matchs. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Inscrivez-vous, ça ne coûte rien, ça ne vous engage en rien. Moi, j'ai juste à vous souhaiter un bon été d'ici à la rentrée. Allez, ciao ciao !